L'espace autrefois frontière de l'infini est aujourd'hui un horizon militaire comme les autres ou presque. L'invasion de l'Ukraine par la Russie se joue également en orbite terrestre avec au centre de toutes les attentions le contrôle de l'information et de la disponibilité d'un réseau qu'il soit civil ou militaire. Les entrepreneurs du New Space ne s'y trompent pas. Elon Musk a ainsi mis à disposition des forces ukrainiennes ainsi que des civils sa constellation Starlink pour assurer le pilotage de ces réseaux de drones et une couverture minimum dans les zones coupées du réseau terrestre. Les télécommunications sont le centre névralgique de ce que l'on pourrait appeler une nouvelle guerre des étoiles. Télécommunications, la nouvelle guerre des étoiles, c'est le programme orbital qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les conséquences de cette nouvelle guerre de l'information accélérée par le conflit en cours aux portes de l'Europe, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Xavier Pascaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des politiques spatiales et auteur du Nouvel Âge Spatial. C'est aux éditions du CNRS et nous sommes en ligne avec Maxime Puteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller industrie au sein du cabinet Euroconsult. Et on commence par les nouvelles pacifiques de l'actualité scientifique avec la belliqueuse Natacha Triou pour le toujours journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue dans la revue Nature. Les résultats de la plupart des études de corrélation par IRM ne seraient pas fiables. Mais grâce aux IRM, grâce à l'imagerie cérébrale, nous pouvons faire des études d'association à l'échelle du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut trouver des corrélations entre la structure cérébrale et des capacités cognitives ou des comportements psychopathologiques. Cette équipe américaine a voulu voir quel était l'impact de la taille d'un échantillon, du nombre de participants dans une étude, sur l'importance des corrélations. Est-ce que l'on retrouve les mêmes résultats si on fait varier le nombre de participants d'une même analyse? Et selon eux, ce type d'étude est réalisé avec trop peu de participants pour obtenir des résultats fiables. Les travaux avec 2000 sujets avaient seulement 25% de chances d'avoir des résultats réplicables. Ce papier illustre à nouveau la crise de la reproductibilité qui touche les sciences. Thibaut Fiollet est vulgarisateur et doctorant à l'Université Paris-Saclay en statistiques appliquées à la santé. Pour évaluer l'impact de la taille de l'étude, pendant les populations d'analyse, en fait, ils sont partis d'une analyse de départ sur 3900 participants et en fait, ils ont répliqué cette analyse dans des sous-populations avec un échantillonnage aléatoire. Donc en fait, on a resélectionné des personnes de cette étude, mais avec des plus petits effectifs, donc qui variaient de 25 personnes, 33 jusqu'à 1000 et 3000 personnes. Pour chacune de ces tailles d'études sélectionnées, ils ont répliqué 1000 fois les analyses, ce qui a permis en fait de voir si on retrouve les mêmes corrélations ou pas. Et ce qui permet en fait de dénombrer des fausses corrélations positives, donc des faux positifs ou des faux négatifs. Et du coup, ils ont constaté que dans les études simulées, plus la taille de la population d'études était faible, plus le risque de faux positifs et de faux négatifs était important et plus la probabilité de réplication de l'étude était faible. Par exemple, dans les petites études, il y avait une chance sur deux que même la direction de la corrélation soit fausse, c'est-à-dire qu'on ait une association positive ou négative. Également, ils ont constaté que dans les études avec 25 participants, ils pouvaient avoir des corrélations assez variables. Donc en fait, la corrélation, ils l'ont mesurée avec un indicateur R qui varie en gros de moins 1 à 1 pour une corrélation parfaite. Et du coup, 0, c'est une corrélation nulle. Ils ont constaté qu'on avait une variabilité élevée de ces coefficients de corrélation dans les petites études. Alors que dans les études avec des grands effectifs, on avait des forces d'association qui étaient plus petites, donc des R qui étaient plus petits. Au final, ils recommandent du coup d'avoir des tailles d'échantillons le plus large possible pour limiter ce nombre de faux positifs et faux négatifs et en fait ne pas avoir des associations un peu obtenues au hasard. Mais il signale également dans le papier que c'est également important d'avoir malgré tout des études de petite taille puisque dans certaines situations on ne peut pas faire autrement. Si par exemple on veut étudier l'effet d'une lésion sur le cerveau ou des états cliniques assez rares, et bien on ne peut pas avoir plein de patients avec ces états cliniques assez rares, donc on fait un peu avec les données qu'on a aussi. Voilà, et puis si vous pouvez retrouver comme chaque jour cette étude publiée donc dans la revue Nature, on vient de vous poster le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. La NASA a annoncé hier que nous aurions découvert plus de 5000 exoplanètes. Oui, 5005 exoplanètes confirmées. Pour reprendre les mots du communiqué, nous venons de passer un jalon cosmique. Il y a encore pas si longtemps, nous ne connaissions que les planètes de notre système solaire, jusqu'à ce qu'en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz découvrent 51 Pégase B. Depuis ce top départ de la chasse aux exoplanètes, nous avons identifié une grande variété de mondes, des Jupiters chauds, des super-terres ou encore des mini-Neptunes, grâce en grande partie au télescope spatial Kepler, qui en a repéré plus de 3000, et grâce au James Webb Télescope, on s'attend à ce que cette liste prenne encore de l'ampleur. Mais avant de découvrir de nouveaux mondes habitables, c'est l'habitabilité de notre planète qui est en jeu. La NASA a publié une carte des régions qui vont devenir inhabitables à l'horizon 2050. Une carte qui prend en compte les évaluations du GIEC. Avec une augmentation de la température globale du globe de 1,5 degré, de nombreuses régions vont devenir inhabitables et presque aucun continent n'est épargné. Les chercheurs de la NASA ont appliqué un indice, le White Bubble Globe Temperature, qui prend en compte les effets de la température, de l'humidité et du rayonnement solaire. D'ici 2050, cet indice sera bientôt trop élevé pour survivre dans le sud de l'Asie, dans le golfe Persique et sur les bords de la mer Rouge, et d'ici 2070, dans l'est de la Chine, au Brésil et dans certains États américains. Et enfin, Universcience en partenariat avec France Info publie aujourd'hui la première édition du baromètre de l'esprit critique. Quelques précautions sont à prendre pour cette enquête réalisée par un cabinet privé sur un échantillon de 3200 personnes. Alors l'objectif était d'évaluer le rapport à la science des Français et des Françaises ainsi que leurs sources d'informations à l'heure de l'infobésité et de la désinformation. Il en ressort une confiance modérée pour les sciences. 9 personnes sur 10 ont répondu que les sciences et les technologies sont utiles à tous, qu'elles nous permettent de mieux comprendre notre monde et d'améliorer nos conditions de vie. 59% des sondés déclarent lire des ouvrages ou des articles scientifiques. Néanmoins, 51%, un sondé sur deux, considèrent que les théories scientifiques ne sont que des hypothèses parmi d'autres. Eh bien, on vous retrouve demain, Natacha, pour le prochain journal des sciences. Nous avons souvent à ce micro évoqué la modification profonde que le New Space provoquait dans le secteur spatial en termes de coûts, de méthodes, de politique. C'était sans compter sur la guerre qui révèle un peu plus le fossé que ces nouveaux acteurs ont creusé dans le rapport des nations à l'espace. Ainsi, ce qui se joue désormais en orbite est une autre forme de guerre à bas bruit, une guerre sans missiles ni soldats, une guerre de l'information et des télécommunications. La preuve en est de l'implication des acteurs privés du New Space dans le conflit actuel en Ukraine, soit pour apporter du réseau aux populations ukrainiennes que la Russie tâche d'isoler en détruisant les infrastructures de communication terrestre, soit aux troupes armées directement ukrainiennes en leur permettant d'assurer le pilotage de leur réseau de drones. Écoutez, c'est notre extrait d'actualité du jour. Il a dans un premier temps répondu au ministre ukrainien des communications, me semble-t-il, qu'il a remercié, le ministre a remercié Elon Musk d'avoir déployé le réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine. On sait que l'Ukraine craint des coupures d'Internet de la part de l'envahisseur russe. Ce qui est logique, hein, avec les bombardements sur les infrastructures des télécoms. Il y avait eu ce type de problème-là lors de la précédente invasion, notamment en Crimée. Donc, les autorités ukrainiennes ont appelé Elon Musk à la rescousse en disant « il faut que votre galaxie de satellites Starlink nous assure qu'on pourra avoir accès à Internet ». Ce qu'apparemment Elon Musk aurait fait, il a répondu favorablement à cette demande. Et là, à l'instant, il vient de tweeter, hein, il y a 7 minutes, que Starlink, c'était actuellement le seul système de communication non russe encore disponible pour les Ukrainiens, mais qu'il fallait se méfier parce qu'il pouvait être ciblé par des hackers, et notamment directement sur le terrain, hein, si on vous pouvait être la cible de militaires russes, si on vous voit utiliser ce réseau-là, qui, on rappelle, est un réseau sans fil qui passe par Internet. Voilà un extrait de BFM Télé. Peut-être un commentaire sur cet extrait, Xavier Pascaux. Ce que l'on entend là, finalement, et c'est ce que nous disions avant le début de cette émission, c'est que, eh bien, ces nouveaux acteurs qui ne cessent de dire, mais nous n'avons finalement qu'une volonté philanthropique de donner du réseau à l'ensemble de la planète à moindre coût et à exploiter ce marché. on se rend compte que bien derrière le marché, derrière l'économie, il y a vraiment aujourd'hui très clairement de la géopolitique et de la géopolitique centrale dans un conflit qui est aux portes de l'Europe. Oui, oui, absolument. On peut dire finalement que Elon Musk, SpaceX en l'occurrence, mais ce sera vrai pour d'autres, sont de nouveaux acteurs des relations internationales, au même titre que les États, hein, d'une certaine manière. Et finalement, on peut même imaginer que, d'une certaine manière, pour le gouvernement américain, c'est aussi, par le biais, par l'entremise d'un acteur privé, une manière d'intervenir, sans intervenir. En tout cas, il est évident que cette capacité particulière, hein, qui est effectivement unique à ce stade, alors c'est le début de la constellation, hein, mais intervient comme un soutien direct au conflit, enfin dans le conflit pour l'Ukraine. Mmh. Maxime, plutôt votre sentiment à ce propos, alors on peut peut-être éventuellement rentrer un petit peu dans le détail, parce que il ne suffit pas de dire je positionne, mais les quelques satellites sont déjà un certain nombre au-dessus de l'Ukraine, il faut aussi des récepteurs, enfin tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Néanmoins, il y a une intervention clairement géopolitique dans ce positionnement d'Elon Musk et donc d'un grand acteur privé. Tout à fait. Et en plus, il y a le positionnement du spatial qui fait partie intégrante du conflit. Le spatial est beaucoup utilisé dans cette guerre. Mais en plus, Starlink et Elon Musk démontrent la supériorité de leur système versus d'autres systèmes classiques, puisque dans le même temps où Starlink est déployé en Ukraine, vous avez des satellites, des terminaux, des modems satellites de satellites traditionnels tels que Viasat qui ont été piratés par les Russes. Donc il y a coup double du côté d'Elon Musk avec en déployant Starlink en Ukraine. Alors, il y a plusieurs choses, hein, parce que au début, on l'entendait, l'idée initiale, c'était de dire on va rétablir du réseau Internet là où les télécommunications sont tombées. Là, il a été fait un pas supplémentaire en avant, puisque Elon Musk propose de mettre à disposition donc cette constellation Starlink pour les forces ukrainiennes, pour les aider à commander leur réseau de drones militaires. Oui, c'est simplement, en fait, c'est une infrastructure presque de secours. On a l'impression qu'on est dans un cas similaire à une catastrophe naturelle, par exemple, où on doit rétablir un réseau. Eh bien, d'une certaine manière, Elon Musk approche cet épisode un peu comme, eh bien voilà, je mets donc dans l'espace une infrastructure de télécommunication. Alors, il y a évidemment toujours cette idée de, l'infrastructure, c'est neutre, hein. Il y a un petit aspect de neutralité. Mais on voit bien qu'en l'occurrence, eh bien, ça vient suppléer au manque d'infrastructures. Et donc, effectivement, les drones ont pu se rebrancher sur cette infrastructure avec, visiblement, hein, d'après les dires des pilotes de drones, une efficacité tout à fait opérationnelle. Maxime, plutôt, est-ce que, là-dedans, comme le disait Xavier Pascaud, en fait, pour Elon Musk, on peut imaginer que c'est une opportunité rêver, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, il vient, il fait un geste qui a une image de marque que l'on peut qualifier d'humanitaire ou en tout cas du côté des gentils entre guillemets, mais évidemment avec les 1500 guillemets possibles autour de cette terminologie-là. Mais enfin, on voit bien que pour lui et même de manière opérationnelle, pratique, c'est un test grandeur nature et ça donne un poids géopolitique, économique, diplomatique énorme à la structure qu'il est en train de déployer avec toutes les critiques que l'on lui connaissait auparavant. Et c'est absolument pas désintéressé puisque Elon Musk, en plus de la fourniture d'accès Internet pour les particuliers, avec une antenne Starlink sur chaque maison, s'intéresse énormément au marché de la défense, qui est un gros client de la connectivité par satellite, parce que les militaires sont mobiles, parce que les militaires ont des avions, des bateaux, puis les militaires interviennent sur des conflits où il n'y a pas forcément de réseau terrestre, où il n'y en a plus forcément. Donc, en ce sens, il fait exactement comme ses concurrents déjà bien établis dans le secteur des télécommunications par satellite, mais avec plus de fracas. Est-ce que, Xavier Pascaud, les Russes, est-ce qu'il y a une possibilité de répliquer à ça? Est-ce que les Russes peuvent empêcher ce type de déploiement? Ou est-ce que, pour le coup, Elon Musk a quasiment les mains libres? On se trouve après dans un contexte de guerre électronique. Donc effectivement, aujourd'hui, une constellation comme Starlink, elle n'est pas du tout préparée, j'allais dire, d'un point de vue technique, à subir des assauts en termes de fréquences élevées, etc. Donc on peut imaginer que les Russes, à mon avis, très rapidement, vont essayer de perturber, évidemment, ce nouveau réseau. Simplement, c'est un réseau qui est plus difficile à perturber que qu'un satellite géostationnaire auquel faisait référence Maxime Puteau tout à l'heure, où là, on va, alors là, pour le coup, inonder des modems qui sont tous reliés à ce satellite par une attaque cyber, on va complètement invalider le moyen. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais il faut s'attendre, c'est évident, à des tentatives alors de hacking par le biais du cyber, mais aussi des tentatives de brouillage localisé sur le terrain. Et là, on est dans la guerre électronique assez classique. Mais ça veut dire que les courtisations sont de facto plus difficiles à perturber que des satellites unitaires à une position précise, parce que, pour des raisons que vous pouvez peut-être nous expliquer. Oui, alors ben, en fait, déjà, bon, la constellation Starlink compte de manière provisoire, mais 2000 satellites en l'air hein, aujourd'hui. Donc si on veut viser le segment spatial, on va dire, alors là, on a une résilience, une résistance plus grande d'un réseau de 2000 petits satellites que d'un seul satellite situé sur l'orbite géostationnaire. Ensuite, je crois que Elon Musk a distribué 5000 modems, hein, me semble-t-il, donc qui vont être utilisés dans différents endroits. Donc ça va être un peu plus compliqué, bien sûr, effectivement, à cibler. Et il y a une sorte d'accès généralisé sur le territoire ukrainien à toute cette constellation. Donc il va y avoir une mobilité particulière. En même temps, je pense qu'il faut aussi quand même considérer que c'est quelque chose qui peut faire l'objet, alors, ce que les militaires appellent des contre-mesures, hein, et notamment des brouillages localisés. C'est ce qui se passe avec le GPS, par exemple. C'est-à-dire qu'on va brouiller, hein, on va faire un bruit plus important que le bruit GPS, que le signal GPS qui va brouiller, qui va empêcher d'utiliser le GPS, on le fait localement. Donc ça, ce sont des opérations militaires. Mais c'est vrai que pour les Russes, c'est quand même une perturbation très forte, parce que eh bien là, c'est un réseau qui est plus compliqué, sans doute, plus compliqué d'interférer avec lui. Est-ce qu'on peut rapprocher ça, Maxime Puteau, de la récente annonce du gouvernement américain d'envoyer 800 millions d'aides militaires concrètes à l'Ukraine, avec notamment précisément bien toute une flottille de drones et d'intercepteurs aériens? Est-ce que tout ça, on peut imaginer que c'est coordonné en coulisses, ou est-ce qu'il faut peut-être pas pousser jusque-là, à votre avis? Alors, c'est peut-être un peu prématuré de voir une grande coordination. Je pense qu'il y a une vraie initiative entre guillemets généreuse, mais on a bien expliqué, intéressée de la part d'Elon Musk. Après, il est clair que drone et connectivité sont inséparables, et la connectivité est importante pour gagner la guerre, mais aussi pour gagner la guerre de l'information. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc tout au long de cette heure de la guerre de télécommunications qui se joue, eh bien, à l'occasion évidemment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du conflit aux portes de l'Europe, mais plus généralement cette guerre de télécommunications qui se joue en orbite basse avec les différents opérateurs tels que, eh bien, OneWeb, Starlink, Kuiper, etc. Nous allons regarder tout cela de très près en compagnie de Xavier Pascaud et Maxime Puteau. On peut peut-être faire un point pour commencer, Xavier Pascaud, sur justement ces différentes constellations, puisqu'on parle beaucoup de Starlink, d'Elon Musk qui a effectivement un peu plus de 2000 satellites aujourd'hui en orbite, qui veut monter normalement à 12, peut-être 46 000, on verra où tout cela mène, parce qu'il y a encore quelques oppositions, mais où on en est exactement toutes ces constellations? Quels sont les acteurs et à combien on est de satellites, grosso modo? Alors, les acteurs aujourd'hui, on en connaît trois qui sont vraiment déterminés à mettre en place et qui ont déjà mis en place leur infrastructure. SpaceX qui est de loin le plus avancé, ça c'est très clair. Vous avez cité le chiffre de plus de 2000 satellites. Alors, SpaceX bénéficie de son propre lanceur en plus, qui permet de soutenir le rythme. Ensuite, on a OneWeb, dont on parle un tout petit peu moins. Alors, on en parle en ce moment parce que OneWeb a été une victime collatérale du conflit ukrainien, avec des lanceurs russes qui ne sont plus utilisables pour lancer cette constellation. Et OneWeb, c'est une constellation, alors là, de quelques centaines de satellites, à peu près un peu plus de 700. L'idée générale, c'est là de faire une constellation un petit peu plus professionnelle, on va dire. Donc, la constellation Starlink de SpaceX, c'est une constellation pour distribuer de l'Internet à faible latence, pour un ensemble d'applications qui vont des objets connectés à la voiture connectée, aux jeux en ligne, etc., qui souffrent d'une latence trop importante. Donc là, on a vraiment l'envie de connecter le monde. OneWeb, c'est plus une connexion professionnelle, ce qu'on appelle le B2B, surtout. C'est-à-dire que là, on va connecter les entreprises, etc., mais c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu concurrent. Alors, OneWeb, aujourd'hui, se trouve empêché, a déjà plusieurs centaines de satellites en orbite, mais se trouve empêché de compléter sa constellation. Et donc, parce que ils avaient parié sur Soyuz. Ils avaient parié sur Soyuz, hein, ce sont les lanceurs Soyuz. Il faut rappeler que OneWeb, à l'origine, C'est une réalisation, d'abord une conception européenne, voire française, hein, cette Airbus qui a conçu ces plateformes. Elles sont désormais produites dans une usine en Floride, pour le compte d'une société qui désormais est partagée entre le gouvernement du Royaume-Uni, un acteur privé indien, et une partie est aussi aux mains d'Eutelsat, le grand opérateur européen situé à Paris. Dont on va reparler dans un instant. Voilà. Et donc, aujourd'hui, OneWeb se trouve empêché, finalement, de... Donc, il y a toujours eu cette proximité, on va dire, il y a un côté européen à OneWeb, qui fait qu'effectivement, naturellement, OneWeb a été lancé sur des Soyouz qui, vous savez, complètent la famille Ariane, finalement. On a aujourd'hui cette rupture consommée entre la Russie et l'Europe sur le domaine spatial. Alors d'ailleurs, pas tout à fait dans tous les domaines, mais dans ce domaine en particulier. Et donc OneWeb a dû trouver des lanceurs de compléments. Et il se trouve que la question se posait de savoir, finalement, il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui soient capables de prendre maintenant le relais. Et il se trouve qu'on vient d'apprendre que OneWeb avait finalement conclu un accord avec SpaceX. Ce qui est un tout petit peu paradoxal quand on sait que Starlink et OneWeb sont potentiellement concurrents. Peut-être pas tout à fait frontalement, mais quand même potentiellement concurrents. Mais cet accord, effectivement, qui a surpris un peu tout le monde, c'est parce qu'aujourd'hui, Ariane n'avait pas les moyens de permettre à OneWeb d'envoyer ses satellites au rythme, ou en tout cas à la fréquence que OneWeb aurait souhaité. C'est ça le problème. Il était prévu des tirs de OneWeb cette année par les Soyouz. Aujourd'hui, sans les Soyouz, la famille Ariane, qui est composée d'un lanceur lourd Ariane 5 qui arrive en fin de vie, d'un petit lanceur Vega qui est plus ou moins géré par l'Italie, mais qui a des capacités plus limitées pour les petits satellites, et il y avait le milieu de gamme qui était parfait pour OneWeb, qui était le Soyouz tiré depuis Kourou. Sans ce milieu de gamme, aujourd'hui, il doit être remplacé par le nouveau lanceur Ariane 6. Ce nouveau lanceur Ariane 6 a pris un tout petit peu de retard dans sa conception, dans ses tests, dans ses essais, et aujourd'hui, on pense qu'il sera, il fera ses premiers tests, peut-être fin 2022, et puis il sera opérationnel en 2023. Donc il y a toute une série de tirs, et non seulement OneWeb, on peut aussi citer un satellite espion français, un satellite d'observation militaire français qui lui va être décalé d'un an par exemple. Donc il y a une vraie rupture capacitaire. ExoMars évidemment. Qui a été annoncé, vraiment, on en parlait l'autre jour. Voilà, donc là ExoMars ça va être vraiment pour l'Agence spatiale européenne, hein, c'est un très beau programme, c'est le programme européen clé d'exploration martienne, c'est son premier grand programme d'exploration martienne. Ça implique des centaines de chercheurs, des centaines de labos en Europe, et c'est vraiment très très dommage que ce soit pour ces raisons. Donc on va certainement chercher une alternative. Ce qu'a fait OneWeb tout de suite, parce que le problème de OneWeb, c'était que là, il y avait une rupture de modèle d'affaires, hein. Il y avait une faillite encore, déjà OneWeb a traversé une période difficile, et il y avait une perspective de faillite. Donc il fallait absolument trouver, il y a eu cet accord on va voir, et ça va se produire, les Falcon de SpaceX vont tirer ce donc. Et puis on a le troisième grand projet, on en a d'autres, mais le troisième grand projet, c'est celui d'Amazon. C'est Kuiper. Alors Kuiper, évidemment, ça a pour vocation d'être directement en concurrence avec Starlink. Ce qu'on peut constater simplement, c'est que Kuiper n'a pas encore mis ses satellites en orbite, que ça a pris beaucoup plus de temps. Les lanceurs même d'Amazon, donc de Blue Origin, qui est la société d'Amazon qui opère les lancements, ne sont pas encore tout à fait prêts. Donc on a vraiment un vrai retard. Donc là, c'est là où on voit qu'il y a des concurrences très fortes, parce qu'en plus, Amazon est aussi un acteur de l'information qui a besoin de cette constellation pour sa connectivité. Alors après, si on compte tous les projets qui existent, et il y a des projets chinois, etc., on arrive en tout, au bout, dans une dizaine d'années, à 100 000 satellites en orbite basse. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la vision maximaliste un peu. Il y aura sans doute des projets qui seront refondus, restructurés, qui disparaîtront, mais on va vers des dizaines de milliers de satellites en orbite, ça c'est sûr. Et Maxime, peut-être un mot d'abord pour compléter ce que vient de dire Xavier Pascaud. On voit bien qu'effectivement il y a trois grands projets. Donc on a deux projets américains, OneWeb qui est un projet un peu mixte. On a envie de dire, alors il y a évidemment le projet chinois dont on parle peu parce qu'on n'en sait pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Et l'Europe dans tout ça. Et l'Europe, de la même manière qu'elle a développé Galileo pour s'affranchir du GPS, elle cherche à se doter aussi d'une constellation de télécommunications haut débit pour avoir une infrastructure souveraine. Et donc en ce moment, à la Commission européenne, dans les États membres, il y a énormément de discussions sur d'abord le bien fondé de cette constellation qui maintenant quand même fait, depuis quelques semaines, fait consensus autour d'elle, puis des discussions qui vont avoir lieu dans quelques semaines et quelques mois sur comment on la met en œuvre. Oui, la Commission européenne présentait le 15 février dernier à Strasbourg son projet de constellation. Pour le moment, on sait à qui ça va être adressé, parce que mine de rien, on pourrait se dire que bien la Commission européenne, avec Ariane Espace, a ou va avoir son lanceur, pourrait presque arriver en autonomie, mais c'est pas tout à fait ce vers quoi on se dirige, j'ai l'impression, Maxime Puteau. Alors, il y a déjà une constellation pour quoi faire. Et la Commission semble déjà avoir des besoins propres, donc des besoins de souveraineté pour elle et pour ses États membres, c'est-à-dire d'avoir des communications sécurité. Et il y a un accent très fort qui est mis sur la sécurité des communications et la cryptographie. Et puis, il y a un deuxième versant qui est abordé, celui des explications commerciales, c'est-à-dire réduire la fracture digitale dans une logique de partenariat public-privé. On voit bien qu'il y a là-dedans quelque chose dans tout ce système-là avec ces acteurs privés, quelque chose qui a tout de même radicalement changé. Xavier Pascaud, c'est-à-dire qu'avant, bien finalement, quand on était un État, on achetait un satellite, on le mettait sur un pas de tir, en général avec une agence spatiale plutôt américaine, européenne, japonaise. Bon, bref, là, on a l'impression qu'on a complètement dépasser ce système-là et qu'on est passé à une sorte de Netflix, c'est-à-dire que finalement on fait de la location, c'est-à-dire que on va faire de l'acquisition de données, de l'acquisition de satellites, on va louer des services. C'est ça, en fait, c'est ça l'ambition de ces acteurs. Tout à fait l'ambition, c'est de se mettre au service. Effectivement, le gros de l'argent qui circule encore dans l'activité spatiale, c'est de l'argent public. Donc tous ces acteurs privés, ils sont effectivement très attentifs à l'acteur public comme client désormais. Alors, ce à quoi vous faites référence finalement, ce qui est sous-jacent à votre remarque, c'est qu'en fait l'espace a subi une mutation dont on s'est peu aperçu ces dernières années, c'est qu'il s'est beaucoup rapproché du monde de l'information. Et en se rapprochant du monde de l'information, il a perdu un peu de sa spécificité régalienne, on va dire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, historiquement, l'espace était vraiment lié à l'équilibre stratégique, les États, alors notamment les États-Unis, l'Union soviétique, puis la Russie ensuite, mais désormais l'ensemble des grands États spatiaux avaient investi pour des raisons de sécurité nationale. Donc on était avec des programmes propriétaires, on demandait aux industriels de réaliser la fusée sur plan, on était propriétaire de sa fusée, on lançait son satellite dont on était propriétaire, on les utilisait en en étant propriétaire. Désormais, avec l'émergence des grandes fortunes du monde de l'information et de l'activité de l'information dans le spatial, eh bien, on a des nouveaux acteurs qui ont des ressources considérables et qui commencent à voir, d'un point de vue strictement économique, l'intérêt d'utiliser l'espace dans leur architecture globale. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est ça qui, en fait, change un peu la nature des relations entre le secteur privé de l'information et les grands États modernes. Et on a effectivement, désormais, non plus des États qui achètent des équipements, mais on achète de plus en plus de services. Alors, en même temps, ils gardent leur part quand même pour des choses militaires très précises. Ils veulent garder quand même des équipements qui sont à eux, qui ne sont pas développés dans le commerce. Mais en revanche, et en plus, il y a une pression très forte pour faire en sorte que le dollar du taxpayer, comme on dit aux États-Unis, soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Donc il y a une sorte de surenchère pour montrer combien on est attentif aux nouveaux services, combien on va optimiser la dépense publique. Donc ça, c'est très important. Et donc ça définit une espèce de paysage nouveau avec des dynamiques nouvelles et dont ces acteurs se sont très bien aperçus. Il faut quand même savoir que, par exemple, Amazon, l'activité cloud, c'est 63 milliards de dollars de revenus en 2021. Donc quand ces gens-là s'intéressent au spatial, on est dans des ordres de grandeur qui sont ceux d'un budget public de grand État. Le New Space aux États-Unis, donc cet investissement privé dans les startups, c'est plus de 3 milliards de dollars par an, soit plus que le budget du CNES en France. Donc les ordres de grandeur maintenant, ça c'est tout à fait nouveau. Dans l'espace, on n'avait pas d'acteurs qui avaient ce type de ressources et qui avaient ce type de besoins. Donc ça, on est dans cette mutation. Oui, c'est cette mutation qui est passionnante. Maxime Puteau, vous le dites, hein, ce sont vos propres mots, c'est l'arrivée de la Silicon Valley dans le spatial en fait. C'est ça qui a tout changé et qui est passé ce glissement vers une logique de service, entre guillemets. Tout à fait, puisque les géants du numérique arrivent dans le spatial avec une vitesse et une capacité d'itération extrêmement importante. Et de la même manière que jusqu'à présent dans les logiciels, autrefois vous étiez propriétaire, aujourd'hui vous êtes locataire, le modèle as a service, on le retrouve dans tous les segments de la chaîne de valeur spatiale. Ça a commencé tout en bas, c'est-à-dire au niveau de l'imagerie satellitaire, qu'on n'achetait plus une image, mais on achetait un abonnement. Et on est en train au fur et à mesure de remonter, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez désormais louer votre antenne plutôt que de la posséder. Et ça, on le trouve à tous les segments de cette chaîne de valeur. Et ça, c'est un vrai apport des acteurs du numérique. Il faut dire que le marché, le système économique sur lequel tout ça repose est assez titanesque. J'ai pris quelques chiffres, alors vous allez les corriger s'ils sont plus tout à fait à jour ou si vous allez me dire ce que vous en pensez. La valeur du marché mondial, 306 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 7% par an. Vous avez Pascal, ça vous paraît... Oui, ce sont des chiffres qu'on entend, alors je ne pourrais pas les certifier, mais effectivement, c'est de cet ordre-là. On est aujourd'hui dans ce type d'ordre de grandeur. J'aime bien parler d'ordre de grandeur parce que ça fixe vraiment les idées. Et on parle d'industrialisation du spatial aujourd'hui. On n'en parlait pas de la même façon il y a 10 ans. Maxime Puteau, vous vouliez réagir ? Et donc ces 300 milliards, c'est beaucoup dans le spatial, mais quand on met ça en contexte avec l'économie mondiale des télécommunications, le spatial n'est que 2-3% de cette économie. Donc on est vraiment un petit poussé qui cherche à grandir. La question de savoir si c'est est-ce qu'on grandira contre les réseaux terrestres ou est-ce que le gâteau tout entier grandira pour tout le monde. 300 milliards de dollars, à titre indicatif, c'est le PIB de la Norvège. Non mais c'est quand même un peu... Voilà. Ça te dit quelque chose. Et on est la Norvège qui se situe au 54e rang des pays mondiaux. Donc, on est un peu au-dessus de au quart du PIB mondial, quoi. Enfin. Et jusqu'à présent, les télécommunications, et je pense que Maxime Puteau sera d'accord avec moi là-dessus. Norvège-Portugal, hein, pareil. Voilà. Non, mais alors, les télécommunications, ça a toujours été la partie de l'activité spatiale la plus profitable. Hein, les gros opérateurs, Eutelsat, Intelsat, et notamment pour la distribution de télévision directe sur des antennes satellites. Alors aujourd'hui, on voit des mutations de ce type de marché. Et avec les constellations, l'Internet, le mode de consommation de l'information a évolué. On ne va pas consommer l'information de la même manière avec la télévision, mais peut-être plus avec des choses en ligne. Donc tout ça crée aussi de nouveaux appels d'air, j'allais dire, au niveau de la demande. Il est répondu par des technologies qui ont évolué, qui permettent de faire des choses en orbite basse avec des latences beaucoup plus faibles. Donc en fait, on n'est qu'au début de ça. C'est encore très risqué. J'insiste pour dire que tous ces modèles sont encore un peu des paris sur l'avenir, parce que tout ça est très fluide. Et ça, c'est le type même d'activité dans le monde de l'information. C'est jamais une activité qui est complètement stabilisée. Mais néanmoins, ça continue d'être extrêmement porteur pour le secteur spatial. On va continuer à discuter ensemble de cette de modification de l'espace, de cette transformation assez radicale. On va parler dans un instant justement de l'Europe et de sa volonté d'avoir une constellation, mais pas uniquement d'une constellation souveraine. Vous entendez peut-être les différentes candidates et candidats à l'élection présidentielle parler d'un cloud souverain. C'est aussi l'un des enjeux numériques et économiques de cette élection présidentielle et de nos temps présents. On en parle dans quelques secondes musicales. For a little while, I love to watch things on TV. Parking cars. Vous avez certainement reconnu une reprise de Lou Reed, Satellite of Love, par Porno for Pyros à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de satellites, entre autres, nous parlons de télécommunications dans l'espace et de la modification de la structure, eh bien, de l'économie spatiale autour des acteurs du New Space, en compagnie de Xavier Pascaud, qui est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques spatiales, et Maxime Puteau, conseiller industrie au sein du cabinet Euroconsult. On a bien compris donc que dans cette guerre informationnelle qui se joue en orbite, chacun veut sa place, y compris l'Europe, via la compagnie Eutelsat, dont vous êtes allé rencontrer les dirigeants. Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Nicolas. J'ai rencontré Guillaume Scottet, directeur des projets stratégiques au sein d'Eutelsat, un acteur assez méconnu du grand public, pourtant troisième opérateur du satellite mondial. Et avec des satellites géostationnaires, ils entendent limiter d'abord la fracture numérique, c'est-à-dire offrir de la connectivité Internet depuis l'espace dans les fameuses zones blanches. Et Eutelsat investit aussi dans d'autres satellites, notamment à orbite basse via le OneWeb. Et à plus long terme, cet opérateur fait partie du projet de constellation européenne qui vise toujours à pallier la fracture numérique, mais aussi à assurer à l'Europe le contrôle de ses communications. Eutelsat, c'est le troisième opérateur de satellite mondial. Nous opérons une flotte de 36 satellites géostationnaires qui fournit dans le monde entier des services de télécommunication et de télévision. Nous sommes un acteur essentiellement européen. Notamment, nous fournissons grâce à nos satellites Outbird plus de 1000 chaînes de télévision sur le territoire européen, et grâce à notre satellite Connect, nous fournissons des services de connectivité à Internet aussi à l'ensemble de l'Europe ainsi qu'à une partie de l'Afrique. L'idée générale, c'est que vous prévoyez la construction de satellites, vous l'envoyez et vous ensuite louez les services du satellite. Exactement. Nous finançons les satellites. Nous les faisons construire à 90% d'ailleurs par des acteurs européens. Et nous les faisons ensuite lancer pour ensuite les mettre à disposition d'un certain nombre d'entreprises de télévision, de télécommunications dans le monde entier pour fournir des services aux usagers, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et une des ambitions de Telsat, c'est de pallier ou au moins d'apporter une réponse à la fracture numérique, donc ces fameuses zones blanches. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les moyens d'y arriver, ce dont vous disposez pour le faire ? Oui, c'est un objectif essentiel. Avec notre satellite Connect, nous fournissons en fait un service de connectivité à haut débit équivalent aux services qui peuvent être disponibles au niveau terrestre, avec les opérateurs télécoms. Connect est un satellite géostationnaire, situé à 36 000 km de la Terre et qui voit en permanence le territoire européen. C'est un satellite très innovant qui utilise des technologies de réutilisation de fréquences, HTS, dans le langage un peu technique, qui permettent d'optimiser la capacité et la bande passante disponible au niveau des utilisateurs. Grâce à ce satellite et à ses performances technologiques, on arrive à fournir à l'ensemble de la population européenne, y compris donc dans les zones blanches, les zones qui sont mal desservies ou pas du tout desservies. Au niveau terrestre, exactement. De la connectivité à Internet très, très performante. On parle de, pour 30 à 70 euros par mois, d'une connexion qui va de 30 à 100 mégabits par seconde, ce qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut retrouver au niveau des services des opérateurs télécoms. Il va être complété, ce satellite, par un satellite encore plus performant, qui s'appelle Connect VHTS, qui sera lancé en 2022 et qui sera opérationnel en 2023. Ce satellite, dont vous pouvez voir la maquette là devant vous, c'est le satellite le plus grand jamais construit pour des opérations civiles. C'est un satellite qui fait 8 mètres de haut, qui pèse 6,5 tonnes. Il faut s'imaginer vraiment un immeuble de 3 étages flottant à 36 000 km de la Terre et qui va fournir une puissance et une capacité en termes de connexion à Internet inégalée sur le territoire européen et là sur une couverture encore plus vaste parce qu'on va aller sur la partie Europe de l'Ouest mais aussi sur la partie Europe de l'Est, Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Donc ça, c'est pour la question des satellites géostationnaires, mais il y a aussi la question des satellites à orbite basse. Et là, ce sont des plus petits satellites qui s'ancrent dans des projets de constellations satellitaires. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de projets de constellations qui existent. Le projet américain de SpaceX, Starlink, et aussi le projet OneWeb, qui est un projet dans lequel Eutelsat a investi. Nous sommes le deuxième actionnaire de OneWeb. Nous avons investi 600 millions d'euros en 2021 dans ce projet. Ces deux projets-là sont les projets qui sont soit opérationnel, soit très proche d'être opérationnel. Il y a d'autres projets qui existent, notamment ceux d'Amazon. Il y a aussi des projets de constellation chinoise. Et il y a le projet de constellation européenne également, sur lequel Telsat participe à la réflexion en cours sur cette constellation. Et l'objectif, c'est aussi de répondre à la question de la fracture numérique, mais aussi d'avoir un enjeu de souveraineté, de contrôle des communications au niveau européen. Tout à fait. Ce sont les deux objectifs de la constellation européenne telles qu'elles ont été définies par la Commission. La réduction de la fracture numérique, évidemment. Et dans ce cadre-là, les satellites que nous avons déjà lancés, Connect, bientôt Connect VHTS, et puis aussi la constellation OneWeb pourraient participer pleinement à la réalisation de cet objectif en s'articulant d'une manière encore à définir avec le projet de la constellation européenne. Donc ils combinent géostationnaire et satellite à orbite basse. Tout à fait, c'est ce que on recommande de notre point de vue. La combinaison idéale, c'est celle de satellites géostationnaires qui apportent beaucoup de bandes passantes sur le territoire européen de façon fixe. Et d'ailleurs, avec cette technologie géostationnaire, on peut avoir au niveau des terminaux relativement simples et peu chers, hein, et accessibles à tout le monde. Alors que des terminaux qui utilisent qui se connectent aux constellations sont plus complexes en général et plus coûteux. Et combiné avec l'orbite basse pour fournir des services à forte capacité, faible latence, notamment pour les entreprises, les gouvernements, les applications civiles et militaires. Et à quel calendrier, à quel délai ? Le calendrier de la constellation européenne, c'est aux environs de 2025. Par contre, nos satellites, les satellites de Telsat, Connect, bientôt Connect VHTS et les satellites de OneWeb, pourraient être la première pierre pour la future constellation européenne. Ils sont d'ores et déjà disponibles et derrière pourraient être complétés par d'autres satellites à horizon que la Commission s'est donné, c'est-à-dire 2025-2026. Voilà des nouvelles de Telsat et de cette future éventuelle constellation européenne souveraine. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Maxime Puteau? Oui, je dirais que, pour remettre un peu de contexte, la volonté politique de l'Union européenne, elle est affirmée. Après, sur les modalités qui conduira la constellation, ça reste largement encore à définir pour juste tempérer un petit peu ce que disait Telsat, puisque la Commission européenne a émis pas moins de 3 appels d'offres à 3 consortiums différents pour étudier les meilleures architectures. Et ça, cette notion de compétition, c'est aussi une coloration très très New Space de la part de la Commission, et c'est plutôt bien joué. Dont Thales et Alienaspace, je crois, les deux autres. Oui, alors il y a un consortium d'acteurs établis qui regroupe en fait Eutelsat, Thales Alienaspace, Airbus et Arianespace. La Commission a demandé à tous les établis de travailler ensemble. Et puis plus récemment, il y a la Commission européenne a demandé aux acteurs du New Space européen de aussi soumettre leurs idées. Et à ce titre-là, Euroconsult est aussi membre d'un des deux consortiums. Gary Basco. Oui, ben on a ce qui est intéressant cette nouveauté finalement européenne, c'est la prise de conscience que la connectivité spatiale peut aider en réalité à la puissance numérique de l'Union européenne, de l'Europe, on va dire, qui depuis quelques années souffre de l'absence de ces grands acteurs numériques. On le voit bien, le caractère normatif, la puissance normative du numérique est un outil de puissance politique, puissance stratégique, qui manque à l'Europe, très clairement. Et aujourd'hui, quand on parle de standards industriels futurs, quand on parle de développement technologique, quand on parle de grandes orientations politiques et stratégiques, on parle souvent du numérique et de cette capacité, finalement, à créer les règles du jeu du numérique. Et pour créer les règles du jeu du numérique, il faut un minimum de capacité. Ça, c'est vraiment une règle qui, maintenant, s'imprime, je dirais, au niveau de l'Union européenne. C'était pas gagné. La France a toujours été consciente du fait qu'il faut une forme d'autonomie à un certain niveau de capacité pour compter dans le jeu. C'était pas toujours le cas de ses partenaires européens qui, eux, se voyaient plutôt dans l'agilité du client qui va au service le moins cher. Aujourd'hui, alors en particulier avec la crise ukrainienne, ça a remis ça évidemment à l'avant-scène. Alors c'est intéressant parce que quand on parle et quand on discute justement de politique européenne en termes de numérique, vous l'avez dit, Xavier Pascaud, aujourd'hui l'Europe souffre. Alors là aussi, il faut peut-être mettre beaucoup de guillemets autour de ce terme de ne pas avoir son propre géant du numérique. Et pourtant, on a longtemps entendu dire, regardez, c'est grâce à nos puissantes lois anti-monopolistiques et antitrust que on n'a pas ces géants qui écrasent tout, qui écrasent la concurrence et face auxquels on a finalement les États n'ont plus aucun levier. Donc, est-ce que c'est une bonne chose finalement de ne pas avoir ces géants-là et donc finalement, pourquoi pas de rentrer dans le jeu et je ne sais pas, je fais de la politique fiction ou de l'économie fiction, dire bah on va l'Europe va soutenir par exemple Blue Origin et Kuiper contre Starlink parce que bien ça pourrait devenir le fournisseur européen ou est-ce qu'au contraire d'un seul coup il faut rattraper ce retard et créer des nouveaux géants pour pouvoir retrouver cette souveraineté. Alors vous avez raison, je pense qu'il y a eu longtemps l'idée qui n'est pas complètement hors sol, j'allais dire, de jouer sur la concurrence et peut-être d'une certaine manière c'est surtout la position allemande souvent hein. Dans beaucoup de domaines justement il y a l'idée qu'il y a beaucoup d'offres et qu'on peut en modulant ses accès à cette diversité de l'offre, on peut finalement tirer son épingle du jeu. Mais néanmoins, très vite, on se rend compte qu'à partir du moment où l'offre est notamment localisée chez les grandes puissances, et en particulier la grande puissance américaine, eh bien, cette offre elle-même, elle est structurée par un projet politique qui est le projet politique de cette grande puissance. Je donne un exemple, c'est le Cloud Act, par exemple. Le Cloud Act, c'est une loi américaine qui finalement permet d'une certaine manière à la puissance judiciaire américaine et en fait à la puissance politique de s'insérer dans la conduite des affaires publiques européennes ou asiatiques. À partir du moment où elles font usage de technologies qui ont un rapport même lointain avec les États-Unis. Et donc il y a une forme d'extraterritorialité finalement de la norme qui est un puissant outil politique. Et ça, on en prend conscience simplement maintenant. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain aux États-Unis. C'est quelque chose qui procède finalement d'une reconversion du projet de puissance américaine à la fin de la guerre froide pour faire un projet qui soit finalement plus adapté au nouveau contexte géostratégique avec une capacité à utiliser l'industrie, l'avance technologique, le numérique comme des outils politiques. Ça, c'est très important. Et là, pour le coup, la Commission, quand elle affirme sa présence dans ce domaine, au-delà même du domaine, c'est une affaire de présence politique qu'elle affirme. Maxime Puteau, sur cette question. Et je dirais que c'est une prise de conscience qui est bienvenue. Mais qui est tardive, donc il y aura forcément un retard dans le déploiement européen vis-à-vis de ses concurrents étrangers, mais il y a quand même une volonté et un consensus qui n'existait pas vraiment il y a quelques mois, qui est là et complètement renforcé par l'actualité. Est-ce qu'on peut dire justement que cette actualité, le conflit en Ukraine, est en train de rebattre les cartes sur le rapport et sur la dépendance à ces réseaux privés? On se souvient, et on en a parlé il y a encore peu de temps ici, que le déploiement de Starlink fait hurler, non seulement on parle de donc 42 000 satellites en orbite. Si on suit Xavier Pascaud d'ici quelques années avec les autres constellations, on sera à 100 000. Ça voudra dire qu'il va commencer à devenir difficile d'observer le ciel spatial depuis la Terre sans avoir des observations complètement polluées par ces trains de satellites. Aujourd'hui, ça veut dire que finalement, cette question-là, elle est en train de passer au second plan. Ça a moins d'importance. Il y a une nécessité stratégique qui est rendue bien prégnante par le conflit et qui fait que on n'a plus trop d'état d'esprit là-dessus, Maxime Puteau. J'ai quand même l'impression, quand je lis le langage de la Commission, que la question de durabilité et d'accès équilibré aux orbites et de partage des fréquences, elle est quand même bien présente du côté européen. La question est de savoir si cet angélisme, il se frottera plus ou moins fort aux réalités des concurrents. Xavier Pascaud. Oui, alors, précisément sur ce sujet, ce qu'on peut remarquer, c'est que la déclaration sur cette constellation qui a été faite le 15 février, elle a été doublée d'une autre déclaration qui a été faite par la Commission exactement le même jour sur ce qu'on appelle le contrôle du trafic spatial, sur le Space Traffic Management. Et le fait que ces deux déclarations aient été faites simultanément montre qu'en fait, on a bien conscience en Europe que cette évolution, cette industrialisation de l'espace, faut dire les mots tels qu'ils sont, doit s'accompagner d'une responsabilité accrue. Et ça, c'est la difficulté aujourd'hui. La Commission a choisi de faire ce qu'on appelle le STM dans le jargon spatial, donc le Space Traffic Management, un flagship. Alors, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, comme terme. La Commission, l'Union européenne, a des flagship programmes, des programmes un peu amiraux dans l'espace, qui sont par exemple Copernicus pour l'observation scientifique de la Terre, qui sont Galiléo le GPS européen. Et aujourd'hui, on a, ça c'est une nouveauté, le STM qui a été déclaré comme étant un flagship, un programme amiral de la Commission. En fait, c'est pas un programme, le STM. C'est une conception de l'utilisation de l'espace à vocation normative. C'est-à-dire, on essaye de convaincre les autres que c'est une bonne idée. C'est intéressant d'en faire un flagship au moment même où, évidemment, on insiste sur la constatation. Donc, on marche sur deux pieds. C'est pas le plus facile. Maxime, plutôt, votre sentiment global là-dessus, est-ce que, une fois de plus, cette nouvelle position que l'on voit d'Elon Musk, qui est liée au conflit qui est en cours aujourd'hui, va accélérer, va poursuivre, va rendre finalement cette course à la possibilité à un moment donné d'intervenir ponctuellement sur telle ou telle zone et donc d'augmenter évidemment la visibilité, d'augmenter les profits, le trafic, du coup va pousser les autres constructeurs, les autres opérateurs à accélérer la course. Est-ce que vous pensez que là, on est finalement quand même tout de même un point de passage quoi sur cette modification, sur ce bouleversement des équilibres économiques et géostratégiques de l'espace? Incontestablement, SpaceX et Elon Musk refaçonnent, réorganisent l'industrie spatiale autour d'eux et plus largement l'écosystème des communications. Si vous prenez juste SpaceX, ils ont l'année dernière lancé plus de 70% des satellites. SpaceX contrôle plus de satellites qu'aucune autre entité. Ça ne veut pas dire que SpaceX génère plus de revenus que ses concurrents, mais on a un tel niveau de concentration qui réorganise forcément tout l'écosystème autour de lui. Et c'est pas uniquement du côté des satellites, du côté des lanceurs. Dans quelques années, on aura Starship, dont on a déjà discuté, qui est un lanceur de rupture, qui là aussi peut largement transformer l'industrie. De SpaceX, oui, on en a parlé à ce micro. Puisqu'on parlait de Galileo, le constructeur allemand de satellites OHB fait campagne pour que la suite de la constellation soit lancée par SpaceX au lieu d'Ariane. On a lu dans la presse qu'il s'agissait d'un coup de poignard, Xavier Pascaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? On a donc là un effet collatéral encore de l'interruption des tirs de Soyouz. Il y avait des tirs de Galileo qui étaient programmés. Alors, il n'y a pas énormément de satellites Galileo à lancer, mais... Il y avait deux tirs, hein, d'ici la fin de l'année. Qui étaient prévus. Donc, ces tirs sont décalés. Galileo est un programme qui a subi, des aléas nombreux, des retards, etc., mais qui maintenant commence à être, va être pleinement opérationnel avec l'ensemble des satellites. Et effectivement, l'Allemagne, à nouveau, d'une certaine manière, à cette vision, on va dire, de la diversité de l'offre. Et il y a toujours eu un désaccord quand même, ou tout au moins un manque d'accord, on va dire, opérationnel, sur la nécessité d'établir ce qu'on appelle une préférence européenne en matière de lancement. Et il y a évidemment, le lancement, c'est un objet qui est assez français, historiquement. C'est quelque chose qui a été poussé par la France, soutenu par l'Allemagne et d'autres pays dans le cadre de l'Agence spatiale européenne. Et puis l'Union européenne, évidemment, est pour cette autonomie d'accès à l'espace. Mais l'Allemagne a toujours été un petit peu distante de ça parce que aussi estimant qu'elle n'était pas nécessairement au plan industriel servie de la même façon que la France et a toujours privilégié aussi la coopération avec les États-Unis notamment sur le vol habité et historiquement il y a eu un accord en fait un gentleman agreement entre la France et l'Allemagne on va dire la France soutenait un peu les projets habités allemands. La France s'intéressait peu aux projets habités. Et en contrepartie, l'Allemagne soutenait la filière Ariane. Et aujourd'hui, avec SpaceX, là encore, comme le disait Maxime Puteau, SpaceX rebat les cartes, bouleverse un peu tout ça, réorganise autour de lui, je suis d'accord avec ça, le secteur, l'activité industrielle, spatiale. Et les Allemands voient bien que l'engagement était fragile. Alors, il faut parler de nouveaux projets allemands, de petits lanceurs, par exemple, qui sont en cours et qui, là aussi, sèment un peu le trouble. Donc, on est encore... C'est quoi ces projets? Alors, on a l'Allemagne, alors pas seulement l'Allemagne, on voit émerger en Europe, mais en Allemagne en particulier, des projets de petits lanceurs légers. Notamment, on a une société qui s'appelle ISAR Aerospace qui promet de lancer des petits satellites, puisqu'en fait l'idée, c'est de dire, puisqu'aujourd'hui on va vers des plus petits objets, on doit pouvoir mettre en place des plus petits lanceurs qui seront beaucoup moins coûteux. Il y a tout un aspect sous-jacent qui est les problèmes budgétaires liés à l'activité spatiale au niveau européen. Et l'Allemagne a toujours été soucieuse de faire en sorte que le budget européen soit utilisé de la manière la plus efficace possible. Et donc, en gros, a toujours soupçonné un petit peu la France quand même de se servir de ce budget européen pour évidemment conduire ces projets de lanceurs qui... eux auraient été peut-être discutés avec l'Allemagne. Donc il y a des petites tensions, on a régulièrement des engagements politiques avec des signatures de lettres d'engagement, de lettres d'intention sur la préférence européenne, on n'y est pas encore tout à fait, même si là encore il faut relativiser les choses, Ariane Espace reste Ariane, la filière, la famille Ariane reste évidemment Ariane 6 notamment, le cheval de bataille européen. Maxime, plutôt sur cette question et sur ce choix qui n'est pas encore tout à fait fait hein, pour Galileo, mais qui montre en tout cas un différent assez net entre la position allemande et la position française. Alors, il y a une question conjoncturelle que Xavier a évoquée tout à l'heure, mais après, il y a aussi une certaine hypocrisie dans le sens où OHB propose de lancer les satellites Galileo avec des lanceurs dont les moteurs sont en partie fabriqués en Ukraine. Donc, c'est une initiative privée qui ne reflète aujourd'hui pas la position du gouvernement allemand, puisqu'il y a plusieurs lanceurs en développement chez eux. L'avenir nous dira si déjà OHB est capable d'amener un lanceur sur le marché et si le recours à un fournisseur autre qu'Arianespace était purement... temporaire ou si c'était une vraie tendance de fond de vouloir diversifier. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine est un grand constructeur de moteurs de fusée et de moteurs de fusée pour l'Europe notamment. Oui, oui, absolument. On a les moteurs Vega viennent d'Ukraine. Absolument, on a une contribution de l'Ukraine à la propulsion, ça c'est assez historique chez eux. Et on a aujourd'hui entre les contributions russes qui sont aussi qui, par exemple, il faut savoir que les satellites OneWeb sont propulsés électriquement par des moteurs qui sont Fakkel qui sont fabriqués en Russie. Donc on a beaucoup. La Russie a toujours gardé, et l'ensemble, on va dire, russe, avec l'Ukraine, bien sûr, ont toujours gardé des pépites industrielles qui ont su se moderniser, qui ont su se mettre au niveau économique. Après, effectivement, c'est cette question de la dépendance. Même les Américains, avec les Atlas, par exemple, qui sont les gros lanceurs américains aujourd'hui, qui servent au département de la défense, eh bien, ils vivent encore sur des moteurs soviétiques, j'allais dire des moteurs russes. Ils disent qu'ils en ont suffisamment pour aller jusqu'à la fin de la carrière de ces lanceurs, mais ça reste une vraie question. Dernière question pour conclure cette émission. Quel plan stratégique aujourd'hui pour l'Europe, quand on sait notamment que pour ce qui concerne la bande passante, le niveau de notre voracité collective n'a pas de limite, puisque notamment à cause évidemment des différents acteurs de streaming, mais entre 2019 et 2020, la consommation de bande passante a augmenté de 50%, alors que l'augmentation était à peine de 30% entre 2018 et 2019. Est-ce que l'Europe a de la place dans ce marché, dans cette concurrence, en l'absence de ce fameux lanceur disponible d'Ariane 6 qui ne sera disponible pas immédiatement, c'est-à-dire disons allez, d'ici un an et demi pour qu'il soit totalement opérationnel? Maxime, plutôt votre sentiment à ce propos? Ouais, il y a une volonté politique, il y a un agenda budgétaire, 6 milliards répartis entre trois acteurs, l'Union européenne, les États membres et l'industrie. Et pour que ça voie le jour, il va falloir se mettre d'accord sur les budgets, mais aussi sur le schéma industriel. Et la partie ne fait que commencer, puisqu'il va y avoir de gros arbitrages à faire sur le partage. Des arbitrages sur quoi, par exemple ? Sur la construction, qui construira le satellite? Est-ce que ça doit être les Allemands? Est-ce que ça doit être les Français? Si ce sont les Français, est-ce que ça doit être Airbus? Est-ce que ça doit être Thales? Est-ce qu'il y a une place aussi pour les acteurs émergents? L'intention politique est là. Les budgets ont l'air d'être là. Maintenant, il va falloir se mettre d'accord sur la concrétisation. Xavier Basco, pour conclure. Et puis plus largement, on peut parler avec cette consommation de bande passante dont vous parliez, qui ne fait que s'accroître, de la rareté du spectre, de la ressource en fréquence. Le spectre électromagnétique est une ressource finie. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des compétitions, d'ailleurs, entre les systèmes spatiaux et les systèmes terrestres, pour avoir accès à certaines fréquences. Et on a, par exemple, aussi d'autres questions. Si on arrive à ce nombre total de satellites, de plusieurs dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de satellites, on ne sait pas nécessairement si ça fonctionnera sans interférer, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui restent posées. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Maxime Puteau, merci Xavier Pasco d'avoir été avec nous pour parler de cette nouvelle guerre de l'espace liée à l'information et aux télécommunications. Xavier Pasco, on peut toujours vous lire dans Le Nouvel Âge Spatial aux éditions du CNRS. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Olivier Bétard à la réalisation, Jordan Fuentes à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France. On réécoute sur franceculture.fr et à tout jamais jusqu'à la fin des temps s'il reste un peu de bande passante, jusqu'à preuve du contraire.